Salam alaikum ya al salam, marhaba bikoum. Vous êtes sur Radio Chicha, il est 12h41, heure de Paris. Sahar ftorkoum, sahar mdankoum. J'espère que vous passez un agréable moment sur Radio Chicha. Ça va aller, gellek. Jawra, jawra ndan, mawda arye mon koy. Jole dacu hamawa, bada mokina. Joli koy beli hamawi, badi mokini. Jole. Inshallah, ça va aller, ça va aller, ça va aller.